God Meets Sport, troisième partie. Le soir, vous aviez prévu, après vos courses et votre repas roboratif pour vous remettre de vos émotions du jour, de passer quelques temps à préparer votre expédition du lendemain. Mais dans la chaleur retrouvée du foyer, vous avez vite succombé à la fatigue accumulée dans les épreuves de cette journée écoulée. Vous avez, sauf à... à ce que vous luttiez effectivement contre les premières manifestations du sommeil, vous avez succombé à celui-ci assez tôt. Est-ce que vous cherchez à accomplir quelque chose, poursuivre vos recherches dans un axe quelconque ? Sven ? Ben moi, je pensais que... On ancrerait nos recherches sur le fait de retrouver ses sœurs. Oui. Mais. Oui, non, monsieur. Ça, c'est le but de l'expédition. De votre excursion de la veille, c'était déjà votre but. Toutefois, vous avez glané des informations. Vous pourriez encore creuser. Et on avait aussi pas suivi la piste. Je sais plus quelle piste, c'était la piste de la voiture qui s'était approchée de l'endroit où on s'était paumé dans le lit de la rivière. C'est ça. Donc on pouvait suivre aussi la piste de la motoneige. Si on arrive à la retrouver. On sait pas. Il a neigé durant la nuit ? Parce qu'il y a une nuit là qui s'est écoulée, non ? J'étais en train d'évoquer si vous cherchiez à lutter contre le sommeil, sinon vous vous endormez très tôt. Ok, autant pour moi. Je doute qu'on lutte contre le sommeil, je sais pas pour vous. Pas moi. Donc vous vous laissez bercer par celui-ci et le matin vous êtes réveillé non pas par les bruits de la péniche qui pour Chacha et Sven sont somme toute familiers, mais par justement la quiétude, l'absence de bruit. Vous résidez à titre habituel dans la grande ville de Stockholm et... ce Norland noyé sous la neige, c'est uniquement le vent qui gémit au dehors qui fait osciller la péniche sur ses amarres, qui grince régulièrement. Les bruits de la chaudière et de la combustion du mazout, l'écoulement de certaines canalisations encore en action dans la péniche, mais somme toute peu de bruit au regard de tout ce que constitue votre vie ordinaire. Vous éveillez donc par ce silence, un silence tout relatif, mais vous éveillez dans un grand calme. Il a effectivement neigé abondamment pendant toute la nuit. Donc la piste de la motoneige semble exclue. Relever les traces de la motoneige, je risque d'être fort malaisé compte tenu de ce qui est tombé cette nuit. Vous ne discernez à peine votre voiture. C'est juste un monticule de neige parmi d'autres. Elle est totalement ensevelie et vous faudra passer un certain temps pour la dégager. Le chemin est à peine discernable et l'impair que vous avez commis la veille tout à fait compréhensible. Je rappelle que vous avez suivi ce qui vous semblait être un chemin à pied et qui en fait était un cours d'eau gelée recouvert d'une abondante couche de neige qui vous avait laissé croire qu'il s'agissait d'une venelle. d'une cendre forestière quelconque qu'aurait entretenu le personnel de l'office. La piste de la motoneige semble exclue. Autant repartir sur les idées initiales, à savoir chercher un sentier forestier que Véronica et sa troupe auraient pu emprunter. Est-ce que vous arrêtez sur l'idée de repartir directement là où vous étiez arrêté la veille, en étant mieux équipé? Pour ma part, je pense qu'il est mieux d'essayer de trouver l'endroit où on avait situé le lieu du film. Oui, vous aviez jugé que vous arrêtez à la limite de la frontière de la limite de la réserve ornithologique était le compromis le plus adéquat pour vous rapprocher de cet objectif, et ça le demeure. Ça le demeure d'autant plus. Après, on peut aller voir l'ornithologiste. L'ornithologue ? Pour enquêter. Vous pourriez également aller le voir, et vous pourriez, plutôt que de reprendre la voiture, faire le trajet à ski. Ouais, ça pourrait être cool. Cool, je sais pas. Efficace, plus. Efficace, pas forcément. Parce que la voiture nous permet d'avoir à peu près tout notre stock sur nous. Oui, mais ça nous permet d'être plus mobile et de ne pas passer une demi-journée à la déterrer. Bon, d'accord, on ne passerait pas une demi-journée. Là, vous allez pour 20-25 minutes au moins pour la déneiger. Ne serait-ce que de dégager le chemin et ôter la neige qui est dessus. Et quand tu as emprunté le chemin que vous avez emprunté la veille, ça peut être compromis par toute la neige qui est tombée. À vous de voir si vous tentez l'aventure, quitte à abandonner votre voiture au milieu de la tourbière et poursuivre à pied. Alors vous avez la ressource des raquettes, ce qui permet d'avancer assez rapidement dans la poudreuse. Et vous avez des raquettes à disposition dans la péniche. Des raquettes, est-ce qu'on met au pied pour pouvoir se placer plus facilement? On met des trucs qui ressemblent à des raquettes, d'où le nom. Soit marcher avec des raquettes, soit prendre vos skis de fond. Qu'est-ce que vous estimez le plus malin? Moi, je dirais ski de fond. Les raquettes, ça permet plus de marcher dans la neige. Le ski, c'est plus pour dévaler une pente. On n'est pas particulièrement en pente. Bah, ouais. Là, vous avez... le ski de fond, c'est entre les deux. Et toute la zone... Quel serait le plus adapté? Je ne me connais pas assez pour savoir. Bah, toi-même, tu te risques assez peu au sport d'hiver. D'accord, bon. Et t'es pas un grand sportif, donc c'est toi qui risque d'être à la traîne. D'accord. Bon, dans les deux cas. Bah, moi, je dis ski. Est-ce que vous suivez l'intuition de Chacha ou vous reprenez la voiture et tentez d'aller le plus loin possible en voiture? Soit prenons le ski. Va pour les skis. Donc, pour déterminer si tu parviens à suivre tes compagnons de voyage à un rythme satisfaisant, tu vas lancer. Tu vas faire une épreuve de force, d'agilité, pardon. Un des 10, j'imagine. C'est cela. Et agilité, résultat supérieur. Ah non, ça c'est un des 8. Non. C'est un des 10. Non, il y a une phase 0, c'est un des 10. Ah. Donc 6, tout juste. Donc tu parviens à les suivre. La seule conséquence, c'est que... C'est effectivement éprouvant, qu'ils doivent attendre à de nombreuses reprises. Et bien évidemment, votre... Aïe. Ah, autant pour moi, j'ai cru que c'était autre chose. Votre pactage sera réduit à sa plus simple expression. Qu'est-ce que vous auriez pris avec vous ? Bah, moi, ma peluche, comme d'habitude. Ta peluche avec les skis... Mauvaise idée. Il aurait fallu prendre les raquettes, à la limite. Non, mais je l'ai attaché... avec des lanières. D'accord, tu l'as attaché contre toi avec des lanières. Et une sorte de banderole qui pend, et au bout il y a ma gourde. D'accord. Donc tu notes peluche et gourde comme matériel avec provision. C'est la dernière ligne en bas de ta feuille. D'accord. Qu'as-tu pris? Est-ce que tu as laissé ton téléphone, ton ordinateur? J'ai laissé tout mon matos qui peut craindre à l'extérieur, à la péniche ou dans la voiture, choix. Bah, plutôt dans la péniche, c'est la zone qui est chauffée, la voiture, elle sera pas chauffée. Oui. Moi, j'ai pris le matériel, enfin, du coup, la carte. Et dans ma poche, j'ai aussi ma chaussette. Hein. D'accord. Si tu pouvais éviter de m'occuper. Donc j'ai pris la carte, un peu de provision, enfin, déjà préparée en fait, pour qu'on n'ait pas... Est-ce que tu as pris les thermos que nous avions évoqués Les thermos. Des thermos de chocolat chaud pour vous réchauffer en route. Oui. Bon, bon. Bon, dans ce cas-là, si c'est toi qui le prends. Bah, étant donné que j'ai rien pour le moment. Moi, j'ai sucette. Donc, c'est. Pélo qui charge de transporter les provisions, c'est cela ? Oui. Dans un sac. Et donc, du saumon fumé, de la viande fumée, un peu de pain. De quoi vous sustenter pour la journée et lutter contre le froid. Vous avez vos combinaisons de ski, vos anoraks, bonnets, gants, lunettes de ski. Est-ce que vous partez avec autre chose que vos chaussures de randonnée qui peuvent s'adapter au ski, ou vous prenez aussi des après-ski Bah, si on a des après-ski, autant les prendre. Mais ça veut dire que vous avez ça en plus qui pendouille autour de votre cou. C'est pas grave. C'est une question juste de savoir à quel point vous êtes harnaché. Autant prendre les après-ski. Après-ski. Ça fait quoi les après-ski en soi ? Est-ce que vous avez, en dehors du téléphone, tu prends ton téléphone, Chacha, ou pas ? Oui, parce que dans ma peluche, il y a une sorte de... Ma peluche, ça sert de trousse. D'accord. Donc, en fait, ça rentre dans le bec, et j'ai mis dans le bec de ma peluche. D'accord. T'as prévu de rechercher des Pokémon en route, ou pas ? Non, pour éviter qu'ils fassent n'importe... Que mon téléphone bug... Et je sais pas si on va à l'épicerie, peut-être que j'aurai à l'épicerie. Tu as pris soin de le recharger ou Oui, j'ai pris le soin de le recharger. Sur le réseau instable de la péniche. Je l'avais rechargé... À l'épicerie ? Oui. D'accord. Sven, est-ce que, en dehors de la carte, comportes-tu ? Tu étais revenu avec... J'ai dit les provisions. Ouais, ça c'est Pélo qui les porte. Et toi, qu'est-ce que tu transportes? Je pensais à la carte. Si possible... Alors j'allais dire une longue vue, mais j'ai pas le terme. Comment pour... Des jumelles. Des jumelles. Et puis les couteaux, si jamais on est... T'emportes les quatre... Une dague de chasse, la plus petite. Va pour deux. Deux. Comme tu ça. Tu les mets dans ton sac. Oui. Ouais. Bah, je pense pas qu'il y a quelque chose que d'autre que je puisse prendre. Alors, les dagues de chasse sont autorisées pour les chasseurs pendant la période de chasse. En revanche, si tu connais la législation, si tu te fais prendre avec cela, c'est une arme de première catégorie et t'es pas en droit de te trimballer avec ça dans ton sac. Bah, je pense pas qu'il... Que vous rencontriez les forces de police ? Oui, je pense pas que de cette manière, ceux qu'on recherche... On peut les croiser, hein, vu que la zone a été partiellement et sous la tutelle du gouvernement. Certes. T'as ton compas pour... Mais ils sont pas foutus de retrouver une bande de gamins en... Je tenais juste à t'informer de cet élément, tu fais ce que tu veux. T'as ton compas, ta boussole, c'est ça ? Ou tu emportes ton téléphone et tu as... Non, j'emporte pas mon téléphone, on va éviter de... D'accord. Donc vous avez que le téléphone de Chacha. Je pense que je ferai le même pour tout point utile, je m'amuserai à faire une note sur le téléphone de Chacha pour que je puisse le récupérer après ça. D'accord. J'ai un dé à lancer. L'un de vous lance le D6. Une communique. Deux. Pardon ? Deux. D'accord. Et pendant que je fais du ski, je fais des sortes de mini-figurines. De mini-figures. Donc, vous partez dans le froid, sous un vent peu intense. Il n'a pas dispersé les nuages, il vient juste vous rappeler la saison et renforcer la forte impression de froid qui vous a gagné sitôt que vous avez quitté votre douillette péniche. Lorsque vous sortez installer vos skis, chausser vos skis et vous harnacher en quittant avec un petit pincement au cœur votre nid douillet, votre repère, vous avisez, vous vous lancez un des 10 chacun. Vas-y. Tu le lances, puis hop, ok. C'est sur quelle statistique ? Aucune. C'est en jet caché. Okay. 9. Ok. Alors, si c'est logique. Ah bah non. C'est l'une des fois où je foirerai. Ah, si c'est sens, yes, j'ai réussi. Pardon. Bah non. Sens, obtenir un résultat supérieur. Étant donné que j'ai 7 sur la barre, 9 c'est supérieur. Ok. Non, parce que s'il ouais. fallait que je fasse 8, oui, oui. 9, 10. Oui. En logique, ce serait une statistique très basse. Ouais. Donc vous remarquez les uns et les autres, toi, Sven, quand tu chausses tes skis, tu as aplani un peu la neige, tu l'écartes autour du ponton, tu t'es dégagé un petit espace, pensant aussi à Chacha qui est... distrait par la neige, pense à faire des boules de neige avec son pote Samaël, mais Samaël il est resté à Stockholm, donc c'est un peu raté. Le risque c'est qu'il passe son temps à vous balancer des boules de neige sur le chemin, ce serait moins agréable. Bref, tu lui dégages un petit espace et en dégageant l'espace, tu aperçois accroché à la rambarde du ponton auquel est amarrée la péniche, le long de la suspendue à la rambarde, un lièvre écorché. Un écorché de lièvre, pendu par les pattes arrière, avec l'intérieur qui a été ouvert. Les viscères pendouillant sur sa tête et lui dessinant un visage macabre. Bon. Donc ce sera un piège macabre, en fait. Bah, il n'y a pas de piège, il est juste... on l'a noué avec une petite corde que l'on trouve dans n'importe quelle épicerie. Bah, en une fait, corde ce serait plus un panneau, en fait. Comment appeler ça? Un trophée de chasse? Oui, sauf que... Trophée terrifiant dans la forêt? Je vois pas comment l'appeler, hein. Donc tu... Moi, je le regarde, comme ça. Tu aperçois ça, tu chausses ton ski, et tu t'éloignes avec peut-être un peu moins de regret de la péniche. Tu t'avances dans la poudreuse pour te diriger vers le chemin par des pas successifs sur le côté pour aplanir la neige. Tu dégages avec tes bâtons un petit espace pour t'avancer. Tu glisses et ton ski droit bute sur un obstacle. La spatule du ski en fait fait rouler une tête qui emporte la poudreuse, la tête d'un ragondin. Et elle était fichée sur un bâton de ski qui était planté. Et ça, c'est la même chose que le trophée terrifiant? Oui. Donc, je peux mettre un 2, quoi. Et comment réagis-tu à ta macabre découverte? Des ragondins, il y en a partout, mais trouver une tête de ragondin comme ça, fichée sur un bâton de ski... planté à l'envers, c'est pas... Le... Je suis un peu choqué, je crois ça. D'accord. Tu restes interdit et... Pelle vient voir, s'approche de toi, pour savoir, s'enquérir de ce qu'il advient de toi, alors que t'étais en train de parler de Samael de façon enthousiaste. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté dans une tête de ragondin figée dans un bâton de ski. C'est chelou. Et tu vois le bâton de ski qui dépasse, et de l'autre côté du chemin, qui est la route en fait, il y a un bâton de ski, et sur le bâton de ski, il y a une tête gelée d'un chevreuil. Chevreuil, lapin, non, lapin. Je fais compter autrement, comme ça j'aurais pas à connaître. Tu parles? Je prends ton téléphone et justement je fais le point GPS. Puis je te le rends. Merci. Et je le remets dans le bec de ma peluche. Je dis, ce sera mieux dans ma poche d'anorak. Hop. Au cas où ça tombe. Vous quittez le ponton, la péniche, et vous aventurez dans la tourbière glacée. De fait, dans la plaine, si la neige s'est amoncelée, vous avancez à un rythme certes pas olympique, mais en tout cas soutenu, et probablement que vous auriez peiné à suivre la route avec la voiture à tel point elle est enneigée. En revanche, il faut... Sven t'arrêter régulièrement pour faire le point et te repérer dans cette vaste étendue où les seuls points de repère sont loin à l'horizon, perdus dans la brume, noyés par la brume, et tu as beaucoup de mal. Tu peux me lancer un D10 s'il te plaît? Sous logique. Bah. Et en logique, j'ai... De toute façon, c'est inférieur. 4. Ok. Je le réussis de manière exemplaire. Pardon? J'allais dire, je le réussis de manière exemplaire, mais on s'en il fiche. Il a rien, celui-ci, croit. Parce que c'est important. Le niveau de difficulté réussite que j'avais, et c'est le niveau de réussite qui dit si t'as réussi sans contre... Contrepartie. Voilà. Et donc là, c'est dans ton domaine de connaissance, puisque tu es cartographe, donc tu as un deuxième dé. Bah, En soi, je suis bête, je l'ai lancé une première fois à 8. Du coup, il a fait 8 et 1 pour les deux. En soi, ça. Donc, tu as qu'une. Parce qu'en fait, quand je l'ai lancé, c'est à ce moment-là où tu m'as dit logique, donc je sais pas pourquoi je l'ai relancé. Parce que pour toi, tu l'avais lancé en test aveugle et tu t'es dit si c'est un test défini, il faut que je le relance. Comme ça, j'ai tous les éléments, mais peu importe. Donc, peut-être pas le relancer une troisième fois. Oui, bon, t'as fait deux lancers, un et 8, un. Pas une cinquième. Donc, tu as du mal à prendre des points de repère, comme je te disais. Arriver à ce qui te semble être le cœur de la portion de la réserve ornithologique, tu hésites entre un chemin et ce qui te semble être une rivière, le cours d'eau que vous aviez suivi la veille finalement. Mais tu n'es pas certain. Le paysage est altéré, changé. Et encore une fois, ce sont les manques de points de repère. Tu prends le téléphone de Chacha pour essayer de trouver un repère de façon certaine, ce qui permet de te réorienter. Vous avez dévié de votre chemin et en fait, vous avez fait 2-3 kilomètres plus à l'ouest que ce que vous deviez faire. Vous êtes en train de vous éloigner du chemin principal et si tu n'avais pas fait ce point inopiné, vous seriez égaré au milieu de la réserve ornithologique. Vous redressez donc le chemin et vous parvenez en peinant à gravir un petit monticule pour faire votre première halte nécessaire compte tenu du niveau de fatigue et de retard de Pelle. Donc tu peux te noter un point de résistance en moins. Pour les autres, vous avez récupéré les vôtres. Yes. Sauf celui que tu avais perdu du fait de la griffe. Il n'est pas revenu. Bah, tu m'avais dit hier qu'il disparaissait. Pour moi c'était la griffe qui disparaissait. T'en avais un autre de fatigue. Celui de la fatigue. Celui de la fatigue, on l'a tous eu. Oui. Mais moi j'avais eu le truc de la griffe. Et donc, hier, tu m'as dit que je pouvais retirer. Je me suis trompé, tu as gardé. Ok, donc je suis toujours à 11. Sur 12. Je reviens sur ce que j'ai dit, désolé. Donc là, vous n'êtes pas particulièrement Sven et Chacha éprouvé par cette partie de l'excursion. Vous êtes juste un peu essoufflé à arriver au haut de ce monticule. Et ça te permet de voir que vous avez encore dévié, Sven, parce que là, c'est certes dans la réserve, mais vous êtes sur l'entrée d'un complexe maçonné. Vous arrivez sur un terre-plein et juste au-dessous de vous, il y a une porte gelée, une porte à moitié dégondée, avec les armoiries du royaume. C'est un réseau de bunkers qui date des années 70. Mais qui était encore en usage dans les années 70 pour les manœuvres militaires dans le cadre. Ils sont désaffectés ou pas? Oui, l'armée n'a plus d'activité dans la zone, c'est une zone protégée. Un bunker de 70 désaffecté. Et tu as dit que la porte était dégondée. Vous lancez un des 6, l'un de vous? 6. D'accord. C'est rien que vous voyez. Donc, vous buvez un peu de votre chocolat pour réchauffer un petit peu, mangez un brin, un peu de viande séchée. Je suppose que tu veilles à ce que vous n'épuisiez pas les réserves prévues pour la journée, Sven. C'est un peu toi le garant de l'excursion. Sven, père de famille. Et une fois réchauffé, vous reprenez votre route. Tu as calculé une nouvelle trajectoire. Tu as pris un point de repère qui, dans la brume, te semble être votre destination, le mont couronné. Vous peinez assez longuement dans la neige. C'est pour toi. Allô? Oh, t'as mis du temps à décrocher parce que c'était dans ta pluche qui est attachée. Non, je l'avais remis dans ma poche d'Anorak. Ah, t'avais profité de la halte? Non, lorsque j'ai pris la position. D'accord. Justement, il l'avait précisé, mais je savais pas si tu l'as entendu, mais pour le coup, oui, il l'a mis. Donc tu le sors et tu entends C'est qui? Glace carré. C'est Noël. La communication s'est interrompue, elle était de très mauvaise qualité. Tu entendais des crachotis sur de la friture sur la ligne. C'est pas le numéro appelant de Samaël. Pourtant, c'est sa sonnerie. Mais le numéro qui t'a appelé, c'est celui de Véronica. Ils savent où on est. Très probablement. Sauf si vous voulez continuer l'excursion, si c'est bien un appel de Véronica, il y a peut-être moyen de leur monter avec le matériel là-haut. Peut-être. Qu'en pensez-vous? Je suis de l'avis de suivre... De suivre le conseil que vient de nous donner Pelle. Oui, moi je trifouille dans bien mes continuer de... l'exploration dans mais... mes trucs pour les sauver, sauf à avoir le matériel sur le moment de l'appel et peu importe le temps et un certain temps. Ta batterie clignote, je l'éteins et... punaise, et quand tu dis punaise il s'éteint totalement. Bon, bah arrange ça, va falloir le recharger. Et je le range dans ma poche. Tu le remises dans la poche de ton anorak. Faut rebrousser chemin alors. On peut continuer l'exploration. Peut-être qu'ils sont dans ce bunker. On les aurait croisés, je pense. Après, on peut explorer le bunker avant de rentrer si vous préférez. Non, j'ai pas tellement envie, moi. J'ai peur. Autant l'explorer. T'as quoi? Autant l'explorer. C'est là ce que t'as dit. Hein. Oui. Non. Non, non. Non, non. Non. Qu'est-ce qui te fait peur dans ce bunker? Les blasons, et qu'il est tout givré. Nous, le blason, c'est juste le blason de l'État, ça n'a rien. Donc vous entrez dans le bunker? Oui. Moi, je vous... La porte est en mauvais état, les gels successifs ont hâté la rouille. Elle n'a pas été entretenue, elle est à moitié dégondée. Vous peinez, vous êtes quasi contraint de la forcer pour l'ouvrir, elle s'ouvre vers l'extérieur, curieusement. Et l'ordinaire se s'ouvre vers l'intérieur. Mais c'est justement ça ce qui me choque. Oui, parce que comme ça s'ouvre de l'intérieur, tu peux bloquer en manuellement avec des cordes ou des meubles lorsqu'on tente de forcer la porte. Alors que là, c'est au contraire, on peut le faire, mais à l'extérieur. On peut te forcer à rester dedans. Mais en fait, elle a été... quand vous la dégagez, vous voyez qu'il y a des endroits où on a dû la forcer auparavant. D'accord, elle a déjà été forcée. Et elle a été replacée... D'accord, ils l'ont replacée dans le mauvais sens. Elle a été replacée d'une certaine façon, mais elle ne joue plus vraiment sur ses gonds, elle était posée en fait. Et c'est la raison pour laquelle elle est venue vers vous, et vous avez dû retenir tout son poids, et vous n'étiez pas trop deux pour l'empêcher de tomber. À l'intérieur, avec l'éclairage de... Vous avez de quoi vous éclairer ? Son briquet, c'est tout. T'allumes ton briquet, ça livre une toute petite zone, tu aperçois à la limite du halo de ton briquet, sur le sol gelé, descendre. Alors. Tu vas un peu plus à l'intérieur ou tu confies le briquet qui commence à chauffer à un de tes camarades ? Bah, je prends une branche qui traîne par terre, je mets et la flamme. Effectivement, c'est une branche que tu allumes. À l'intérieur, il y a les restes d'un feu qui date, les cendres, des bouteilles, les cadavres de bouteilles. Les gens sont venus camper ici. Il n'y a pas longtemps ? Oh, il y a probablement un certain moment. Bah, je passe le briquet à... à père de famille. Tu lances un des quatre, s'il te plaît. Quatre. J'en doute. Comment on écrit campement ? C-A-M-P-E. M-E-N-T. Un, tu m'as dit ? Et tu le relances une deuxième fois. Deux. Ok. Il y a sur le sol, dans cette unique pièce, l'autre, la porte est profondément enchâssée, gelée dans son chambranle. Et vous avez beau peser, faire jouer, la l'huisserie est complètement bloquée, il vous faudrait des outils pour la dégager. Manifestement, elle est, d'une part, elle est verrouillée, et vous n'avez pas ni les talents ni le matériel nécessaire pour l'ouvrir. C'est une seconde porte. Oui. Donc là, il n'y a rien. En revanche, juste dans un rencoignement et qui abrite une espèce de vestiaire métallique, dans le vestiaire, il y a une Kalachnikov et... engagé dans la Kalachnikov, il y a un chargeur. Et sur le plateau qui sert à remiser casquettes, casques ou ce genre de choses, il y a une boîte en carton totalement défraîchie par l'humidité, couvert, admis par mangé par la moisissure et les champignons. Quelqu'un me fouille la boîte ? Merci. Ça sent le champignon, la pourriture. J'ouvre prudemment le carton. En fait, le carton, il est à moitié désagrégé. T'es obligé de le prendre par les deux bouts. C'est illisible. À sa surface, c'est tout passé. C'est mangé par les moisissures. Et c'est une pochette en carton qui protégeait une série de six ampoules. Six ampoules ? Mmh. Des ampoules Non, des ampoules médicales dont on brise les deux. Six ampoules médicales, merci. sur le flanc, il y a les armoiries du royaume. Oui. Et un code. NA3. Royaume et un code NA3. J'essaye d'allumer mon téléphone. Tu manipules ton téléphone. Quand tu le rallumes, la charge est à fond. Comme si tu as un peu joué à Pokémon Go quand tu étais dans la péniche. Tu as essayé de voir si des Pokémon s'étaient pas réfugiés du fait du froid. Et tu avais entamé, tu avais quand même préservé la batterie puisque tu l'avais recherché spécialement la veille à l'épicerie. Tu en avais consommé qu'un quart. Tu avais été très prudent parce que tu risquais de te faire gronder par les deux autres. Et là, elle est à plein. Tu vois l'affichage. Il y a noté appel en absence. Un appel en absence. Et est affiché un numéro que tu as appris par cœur parce que on t'a demandé de le connaître par cœur. C'est le numéro du portable de Véronica. Mais il apparaît pas dans les personnes que tu connais. Or, elle est dans tes contacts. Tu as pas retenu son email, c'est Véronica et un nom bizarroïde derrière, un chiffre, ça t'as jamais retenu. Mais elle est bien dans les contacts. Et donc tu vas vérifier, et là t'as plus de contacts du tout. Tous tes contacts ont été effacés. Et quand t'appuies pour vérifier, faire défiler, t'arrives à nouveau à la batterie qui clignote et plus de jus, portable éteint. Donc j'ai plus le numéro de Samael. T'as plus le numéro de Samael, mais t'as eu ton téléphone a noté un appel en absence et il a noté le numéro effectivement de Véronica. Qui confirme l'affichage que tu as eu tout à l'heure. Et la durée, tu as vu la durée, c'est 1 minute 36. C'était pas le du film. Enfin, il n'y avait pas le film qu'on a vu là. Oui. Il durait pas 1 minute 36 ou un truc. Ouais, c'est probable. Quel film? Bah, le film. Le Snuff Movie qui. Je voulais pas préciser ça. Donc vous pouvez en profiter pour vous boire un peu de chocolat chaud. Trop entamer votre réserve et que faites-vous? Vous repartez en direction de la montagne couronnée ou avec les repères que vous avez pris ou vous repartez vers la péniche? Comme tu préfères, Zé. Moi je propose pour la montagne couronnée. Je ne sais pas, Ranier. Qu'est-ce qui te place dans l'indécision? Tu penses que les talents de Pelle ne seront pas à la hauteur pour tracer la pelle? Non, mais j'ai bien peur que ce ne soit un guet-apens. Voilà ce qui me retient. Donc, il ça ressemble fort, mais que veux-tu faire? On n'a pas plus d'éléments. On peut aller à la montagne couronnée, espérer récupérer plus d'éléments, et ensuite seulement s'occuper de tracer la pelle. Bon, on peut repartir à la péniche. Oui, mais on n'est pas obligé de repartir maintenant. si tu reviens à la péniche, tu auras mangé toute ta journée. Là, vous avez fait les deux tiers du chemin. Hein. Et vous êtes déjà à la mi-journée. Voilà, inutile. C'est long de parcourir. Ah, mais si on est déjà à la mi-journée, il faudrait peut-être pas commencer à rentrer, justement. Ah, vous avez jusqu'au crépuscule. Oui, non, mais il y a le temps du retour aussi. Oui, mais de toute façon, vous avez au total 16 km à parcourir à ski. C'est pas comme, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est pas une pente à dévaler, une piste noire, plus une piste noire, c'est un long chemin à emprunter dans un terrain inégal, en partie en zone forestière. Vous en avez traversé une partie pour quitter la zone où est amarrée la péniche. Vous allez ensuite traverser une tourbière que vous avez quasiment quittée pour arriver au pied de la forêt qui est votre destination. Donc vous partez vers la montagne couronnée, c'est ça? Ça me paraît le plus opérationnel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc vous reprenez votre route. Vous arrivez une bonne heure plus tard à la lisière de la forêt qui ceinture la montagne couronnée, la forêt périphérique, l'entrée de la réserve forestière. Vous avez dépassé le petit ponton où la veille vous aviez garé votre voiture. Est-ce que vous suivez le cours de la rivière ou vous empruntez l'un des chemins qui fait le tour de la réserve, un de ceux que tu as repéré sur la carte? Ben. Je ne sais pas. À vrai dire, il faudrait prendre un chemin qu'on connaisse. Donc la rivière? Oui, il y avait des repères. C'est d'autant plus probable. Et vous avez le point GPS pour point de contrôle, mais vous avez plus de téléphone. Donc vous avez plus de point GPS pour vous repérer. Pelle, tu peux lancer un D10, deux D10, pardon. Donc deux fois successivement, puisqu'il y en a qu'un au stop là-bas. 8, 7. C'est sous logique. Yes! J'ai 7! On va faire un résultat inférieur. Bah écoute, c'est un échec pitoyable. Donc, pour toi, c'est un problème d'accu sur son téléphone. Ça doit être ce que tu craignais. Il a dû, en loose day, charger le téléphone sur le groupe électrogène de la péniche, parce que c'est ce qui expliquerait que son accu est cramé. Les modèles Nokia sont réputés pour leur robustesse. Le modèle Nokia qu'il a est réputé pour sa robustesse. C'est pour ça qu'ils ont obtenu un deal avec le géant américain pour lancer Windows 8. Merci de me confirmer que c'est pas ça en tant que joueur. Et merde pour le personnage. Mais quand même, c'est que le réseau électrique vraiment est pourri à la péniche. Oui. Ça veut dire que tu te refuses... semble une défaillance du coup. Ouais. Tu te refuserais plutôt à brancher ton PC sur... réseau électrique de la péniche, ça veut dire qu'il faut impérativement pour toi retourner à l'épicerie pour recharger votre matos. Et pas. Et là, ça veut dire qu'il faut racheter un accu Nokia pour redémarrer son téléphone. Ça, pour le coup, l'épicerie ne doit pas en avoir. Peut-être qu'il y a une histoire de riz, mais tu sais pas si c'est une légende urbaine. Toi, tu n'as jamais fait tomber ton téléphone dans les toilettes. Hein, t'es un gars soigneux, mais il y a des histoires, il faut le mettre 48 heures dans le riz, prendre un sèche-cheveux, et puis après ça redémarre comme en 14. C'est soit ça, soit cette histoire de d'ACU, hein, mais faudrait consulter la fac de chez Nokia, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui... s'il n'y a pas des utilisateurs qui ont reporté des problèmes en cas d'exposition au froid. Dans le même temps, tu t'es jamais préoccupé de savoir si ton téléphone pouvait descendre à moins 15. Hein. Personne ne s'en préoccupe, je pense. Si, pourtant, à Stockholm, oui, mais toi, tu restes dans... Oui, voilà. Moi, je reste dans mon trou, ça compte pas. Voilà, t'as pas eu cet usage-là pour les... Les ruraux, c'est autre chose. Eux, ils veulent des machins solides qui résistent au changement de température. Le machin a un différentiel de température de 50 degrés, il survit. Tu sais pas comment il fait. Non, tu vois, de 600 degrés, ça... Alors survie. Non, autant... 50, c'est déjà beaucoup. Hein. Non, il y a des pointes sur le pros à 800. Hein. Oui, non, mais ça, c'est le composant interne. Ouais. Moi, mais, je te parle de tous les composants externes qui, eux, sont bien plus fragiles. Ah, le problème, c'est les écarts thermiques entre le noyau et... Oui, mais justement, le noyau, lui, tolère des différentiels de température importants, parce que bah, forcément, il chauffe pour calculer. Voilà. Alors que les autres éléments, pour le coup, eux, ils ont des tolérances bien plus faibles. Eux, leur tolérance, ça doit être 10 degrés de choc thermique, peut-être 20, sur les bons appareils. Donc du moins 15, ouais. Donc vous, après, je dis ça de mémoire, hein, je vous dis peut-être des conneries. Hein. Vous avez longé le cours d'eau de la veille. Vous parvenez jusqu'à la petite masure que vous aviez explorée. Et curieusement, il y a encore les traces du passage de la motoneige. Elles sont à peine effacées par l'amoncellement de neige tombée parce que les arbres ont fait écran. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez suivre la piste de la motoneige. Pour ma part, je propose de rentrer parce que je commence à avoir froid. En même temps, vous êtes en vue du mont que vous deviez rejoindre et ça fait déjà deux fois que... Ça ferait deux fois que vous rebroussez chemin. Vous me faites chacun... pas toi, Chacha, mais Sven et Pelle, un jet sous votre force. Combien j'ai ici sans force? Enfin, un test de force. Donc... je gagne. Résultat de ton test, Gabriel ? 3, j'ai. D'accord. Donc c'est bon pour toi ? Oui, mais oui. Là, je viens de le relancer, c'est pas du tout le résultat que j'ai obtenu. Mathieu, pour Pelle, tu fais un jet de force. Donc force, c'est inférieur à 5. 5. Yes. Donc, pour votre part... Vous ressentez pas le froid de la veille, vous êtes suffisamment mitouflé. Le fait d'avoir fait des haltes et d'avoir bu du chocolat chaud. On est déjà rentré. Non. Non, oui, ok, c'est encore une halte. C'est parce que Chacha disait qu'il voulait repartir, lui, il a froid. Oui, donc là, on fait une halte. Tu perds un de résistance. Mais. On joue, ça fait partie du jeu. Caca prout. N'importe quoi. Pouf, chaton. Donc les traces sont étranges, les traces de passage de la motoneige sont étrangement préservées. Étrangement, mais vous n'êtes pas encore une fois des ruraux et peut-être que l'averse de neige a été moins drue, moins intense sur cette zone du Nordland et que la forêt a préservé assez naturellement les traces après tout. Bah, peut-être qu'il est repassé par là. Il y a de la neige quand même, de la poudreuse qui s'est accumulée dans les traces, mais elles sont pas totalement effacées. Alors, que vous suivez les traces ou vous vous enfoncez à flanc de colline pour gravir Étant donné que les traces sont encore conservées, étrangement d'ailleurs, bon, si ça se trouve c'est normal, mais vaut mieux peut-être suivre les traces avant qu'elles ne disparaissent à jamais, c'est notre dernière chance pour la motoneige. Enfin, sauf si ça vous paraît trop dangereux. Vous suivez les traces sur 200-300 mètres, elles repartent vers la lisière. Elles slaloment entre les troncs des bouleaux. À cet endroit, le feuillage est quasi absent. Et puis les bouleaux sont remplacés par quelques pins. Là, les traces sont bien visibles, elles ont été préservées. Vous les suivez avec beaucoup plus de facilité et ça vous ménage même une piste pour vous skier plus aisément. Le vent souffle un peu plus fort, vous sortez de la zone abritée par les troncs les aiguilles de pin pour rejoindre une étendue un peu plus dénudée. Et les traces rejoignent soit un cours d'eau, un chemin un peu plus haut. Là, c'est trop pentu pour que vous continuiez, autrement que latéralement de biais pour gravir. Et là, il aurait fallu la raquette pour le coup. Voilà, là, c'est vos skis sont plutôt. Est-ce que vous déchaussez pour aller jusqu'à la route et voir ce qu'il en est en portant vos skis ou Je propose de faire ça, ce sera plus rapide, non? Et puis ça nous permettra de descendre en ski cette pente, du coup. Non? Donc on gagnera du temps qu'on aura perdu pour monter. Donc vous déchaussez, vous prenez vos skis à la main et vous gravissez la pente avec. En vous aidant de vos. La motoneige n'a eu, elle, aucun mal pour gravir la pente, mais ça aboutit effectivement sur la petite route qui borde la lisière, la route qui ceinture la réserve. Et la route à cet endroit est en partie déneigée, donc les traces subsistent que sur quelques mètres pour se perdre dans la partie glacée, le verglas qui constitue la petite route secondaire sur laquelle vous vous trouvez. Et non loin. Peut-être 100-150 mètres, la route monte graduellement vers un épaulement et dans le virage, vous apercevez une voiture prise dans la neige et la glace au pied d'un grand pin. Un véhicule relativement massif. Ce serait pas le 4x4 de Véronica ? Ça en a tout l'air. On y va ! Je veux retrouver ma sœur, moi. Épave de grosse voiture. Épave gelée de voiture. Donc vous approchez. Toi, tu vas en courant à toutes jambes. Non. Non. Tu vas pas en courant à toutes jambes. Moi, je file à appel jusqu'à qu'à Chacha. Je file à Pelle le deuxième couteau que j'ai pris. Dans le cas où... Je te regarde avec des gros yeux. Comme si je t'interrogeais du regard. Qu'est-ce que je vais en faire? Je te rappelle qu'elle est avec des gens très charmants. On sait pas ce qui peut nous arriver. C'est le simplement... Range, et je te marmonne. J'espère ne pas avoir de soucis à cause de ça. Là, vous arrivez à hauteur du véhicule. Il est tout verglacé. Il y a un amoncellement de au moins 30 cm de neige sur le toit. De la neige qui est tombée des grands pins qui le surplombent. Le surcroît de neige qui est probablement tombé depuis que la voiture est là. Les traces bien nettes d'un virage pour la garer sur le bas-côté dans le virage. Et un peu plus loin, il y a à peut-être 10-15 mètres de l'endroit où est garé le véhicule, il y a deux panneaux de signalisation, des petits panneaux de bois qui indiquent l'emplacement d'une sente forestière. Proximité de sente forestière. Et ça veut dire, je vais pas autour de la voiture, il y a des traces de piétinement dans la neige, des empreintes diverses et variées, des traces de chaussures, de rando, d'après-ski. Et des gens sont passés par là. C'est cela. Mais c'est extrêmement confus, des traces de pas multiples. La plupart des traces laissées ont depuis gelé et en partie été recouvertes par la neige. Compte tenu de l'épaisseur de neige qui est retombée, ça remonte à plusieurs jours. Je regarde à l'intérieur de la voiture, comme ça. Pour être sûr qu'elle n'ait pas été cachée dedans. Oui, on trouve quoi dans la voiture si on peut... La voiture est fermée. Yes. Les fenêtres sont cassées ou pas? Non. Les vitres sont intactes. C'est bien la voiture de Véronica. Est-ce qu'on voit du matériel à l'intérieur où les vitres sont teintées? Les vitres sont teintées, mais vous devinez l'amoncellement sur... Il n'y a pas de plage arrière. Et vous apercevez dans le coffre des sacs de couchage. Il y a 4 sacs de couchage. Et un étui à tente que tu reconnais comme étant Chacha, la tente de Véronica. Une grande canadienne 4 places, hors d'âge, qui était celle que vous utilisiez pour aller camper l'été. Eh, hey, mais c'est la tente de Véronica, là! Il y a une pelle, une pioche, de la corde, un réchaud à gaz, tout un tas de matériel de camping à l'arrière du véhicule. Sur la plage avant, il y a un CD, non loin du sur l'emplacement à l'emplacement du passager, la jaquette d'un CD que fait le tour du véhicule en Chacha en regardant ce qu'il peut y avoir. Et y a une jaquette d'album aux couleurs criardes avec des caractères cyrilliques. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Ça vient de ta poche. Je cherche dans ma poche. Ton téléphone est allumé. Il est sur une page YouTube en russe. Je peux faire un test de logique pour, juste pour savoir si mon personnage lit les événements suivants. Le virus des deux Kiki qui font de la musique. Le fait que son téléphone fasse n'importe quoi avec suppression, donc possible contrôle par un tiers distant. Parce que tu as dit que mon personnage partait du principe que c'était un problème matériel. Bon, en tant que joueur, je pars sur un principe logiciel, mais est-ce que j'ai le droit de lancer un jet pour savoir si mon personnage peut penser à cette possibilité, même s'il semblait convaincu du problème matériel ? Bah, il peut revenir sur sa décision à la lumière des nouveaux événements. Tu veux lancer un jet ? Bah, tu peux, vas-y. Bah, c'est juste comme j'ai foiré, j'essaie de me tenir à ce qu'il suppose. D'accord. Donc là, c'est 2D. Bon. Ah, y en a un qui réussit et l'autre qui tombe sur 7. Hein. Voilà, moi, on me demande de faire en dessous ou au-dessus, je fais le truc. Voilà. Donc, débrouillez-vous. Tu peux faire le lien. Ce qui est étrange, au-delà du problème logiciel, c'est que il n'y a pas de lien, a priori, entre l'histoire entendue à la radio qui remonte à quelques jours et qui était même déjà installée quand les excursionnistes ont quitté Stockholm, c'est-à-dire que l'attentat dissimulé par le FSB, il a été perpétré avant, au tout début décembre, là on est le 17 décembre, ils ont été déclarés disparus le 11, enfin pour vous, la disparition s'est avérée à compter du 11, ils auraient dû être rentrés le 11, et qu'est-ce qui expliquerait qu'il y ait une prise de contrôle par un tiers de vos téléphones ? Peut-être que des gens sont conscients qu'on s'approche, parce que le moment où il a eu le... Comment appeler ça ? L'appel ? L'arrêt de son téléphone et le premier appel. Bah déjà, quand t'appelles, tu reçois des données. Techniquement, tu peux faire passer autre chose. Et ensuite, son téléphone s'est éteint alors que bah, il avait économisé sa batterie. Il n'avait pas joué comme un abruti. Pour une fois. Ça pourrait déjà être lié à ça, ce serait le premier ordre. Mais comment il l'aura détecté ? Bah, peut-être que les cadavres d'animaux qui faisaient signe de... défi, de... je sais pas, appelle ça comme tu veux. Il y avait peut-être quelque chose dedans, genre une puce à la con, n'importe quoi. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, s'ils détectent un appareil près de... dans cette zone, bah, ils envoient un premier paquet qui leur permet d'identifier l'appareil. Et puis à partir de là, ils se posent la question, je sais pas s'ils s'amusent à identifier l'appareil ou non, et puis ils balancent toute leur cochonnerie dessus. Et puis là, vu qu'on s'approche de la voiture, vu que c'est une voiture dernier cri, à mon avis, il y a de quoi charger des machines. Du coup... Ah si, d'ailleurs, je sais pas demander. Les trois abrutis de la bande FN, enfin, pseudo-FN, désolé d'évoquer les mouvements politiques. Extrême droite. Voilà, extrême droite. Ils font quoi comme études dans l'université ? Ils sont étudiants de Véronica. Ils sont... C'est pour ça que tu les connais, parce qu'ils sont dans son cursus, mais ce sont des secondes années. Pas des premières comme toi. Oui, mais ils ont quoi comme cursus complémentaire ? Eux, ils sont en études littéraires classiques. C'est pas une option, eux. Et je connais pas leurs options. Non. Ça, tu les connais pas. En revanche, tu connais des gens susceptibles dans l'établissement de te renseigner. Mais pour ça, il faudrait que... Ok. Non, parce que s'ils ont déjà réussi à concevoir un virus, ma question, c'est... Est-ce qu'ils l'auraient fait par un tiers, ou est-ce qu'ils auraient été capables de le faire eux-mêmes ? Parce que s'ils sont capables de le faire eux-mêmes, bah leur base d'opération c'est la voiture de Véronica. Si c'est mandaté par un tiers, ça sert à rien de fouiller dans cette zone. Eux, concrètement, ça aurait été juste des... Comment dire ça ? Des personnes qui appliquent, bêtement. Donc c'est pour ça, peut-être que sur un cursus secondaire ou dans leur vie personnelle, ils ont quelque chose qui pourrait étayer cette théorie ou l'infirmer. Alors que tu réfléchis à tout ça, la voiture... à l'intérieur de la voiture, il y a de la musique qui se met en marche. L'autoradio à fond les meules. Et vous attendez à nouveau la musique russe se déverse par les haut-parleurs. Il y a les phares de la voiture qui clignotent. Ou alors eux aussi, ils en sont victimes, mais ce serait très bizarre. Et tout, ça s'arrête. Ok. Moi, je scrute près aux alentours s'il y a justement la team de l'équipe des Gugus qui se repointe ou non. Vous êtes seul dans le bois. Maintenant, sans deux autres, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez juste le vent qui souffle dans les pins, vous entendez le craquement des branches qui sont sollicitées par le vent a forci, il y a un peu de la brume qui s'est dispersée. Vous avez juste, parce que vous avez cessé de vous agiter, vous avez contemplé cette voiture qui s'est mise à beugler du russe à fond les meules, du vieux Punkoy ranci. Comme en écho aux événements récents et aux agissements de Néo-Russia, et simplement il répond le silence à peine perturbé de la forêt. La neige qui tombe par paquets quand les branches des pins sont trop sollicités et qui vient s'effondrer. Et toi, t'as entendu un reniflement. Il y a quelqu'un ? Comme dans le film. Je scrute autour de moi, voir si je vois la source, ou au moins identifier la zone. Ça a l'air de venir de la forêt en contrebas du fossé où est arrêté. Je m'adresse aux deux autres, vous l'entendez aussi ? Oui. On y va ? Vous avez rien entendu ? Non, on n'entend rien. Il y avait les pleurnichements comme le. On le suit ? Si vous avez confiance en moi, ouais. Sinon, on n'y va pas. En revanche, les dagues ont, je pense, une quelconque utilité. Étonnamment, je me range à ton avis. Et du coup, je me mets sur le Qu'est-ce que vous faites de vos skis ? Vous aviez des chaussées. On les pose à côté de la voiture, non ? Inutile de s'encombrer avec ça sur la section. Sous la voiture, je dirais, parce que s'ils les voient pile... Ok, bien sur la voiture, parce que sinon, on va avoir la scène ridicule où ils roulent sur nos skis et ils les cassent. Vous les rangez dans le sens de la marche, voilà. soigneusement avec vos bâtons, pour avoir les mains libres, et vous enfoncez dans le... Vous allez directement à flanc de coteau, ou vous passez par la sente signalée par les poteaux indicateurs ? Inutile de prendre des risques inutiles, redondance. La sente, c'est moins dangereux. Sur le panneau, vous voyez distinctement écrit « Montagne couronnée ». Par la sente, non ? Non, pardon. Du coup, on va par la sente. Vous dirigez sur la sente, vous marchez 100 mètres en écoutant attentivement, et là, tous... Vous entendez un reniflement et... continue vers le bruit. Hein. Moi, je suis en tenant ma peluche et mon briquet. Dans ta main, t'as fait basculer la peluche. Non, ma peluche, elle est sur mon dos. Elle reste sur ton dos ou tu as besoin de ta peluche pour te rassurer? Je la laisse sur mon dos. Tu la laisses sur ton dos? Maintenant que vous êtes rentré sous le couvert de la sente, le jour est tenu comme à distance. Il y a tout autour de vous la grande masse des pins qui obscurcit ce que peut donner le ciel, qui est tout ouaté de grands nuages porteurs de neige et de brume qui s'est attardé depuis le matin, qui ne s'est pas dissipé. Vous avez la sensation d'avancer dans une forêt plongée dans la pénombre de la nuit. Il n'y a aucun bruit sinon celui du vent qui gémit au loin. Le bruit de vos pas qui écrase la glace vos pieds. Faut lancer un dé vu que tu l'as posé. Du coup, on le voit toujours pas. Et vous parvenez à un endroit où cette pénombre se dissipe légèrement. C'est juste la brume, une brume percée par les chatoiements du soleil qui vient inonder une clairière d'assez grande proportion. Une clairière avec en son centre une mare peu ragoûtante. Une mare intermittente créée par les fontes successives et l'alimentation des petits rues qui proviennent des alentours et aboutissent dans ce trou. C'est de la fange de la boue. Et au-dessus de la mare, aussi une petite silhouette encapuchonnée de noir qui s'agite en gémissant, un enfant, une enfant toute petite, chétive, à peine plus grande que toi, Chacha. S'approche. Elle flotte. En fait, plutôt que flotter, elle est suspendue, les bras liés le long du corps. Et on voit ses petites mains frissonner à l'unisson du chant qu'elle fredonne entre deux reniflements. Tu veux quoi ? Ben, je m'approche d'elle, donc elle est suspendue par une corde en fait, c'est ça ? Une corde épaisse, une corne comme celle que l'on vend dans les magasins de sport de grande diffusion. Une corde, pas de la corde grossière qu'on trouvera à la campagne, une corde chemisée de plastique avec des stries colorées. Une corde d'un bleu éclatant qui jure sur la houppelande noire toute rapiécée qui recouvre son corps frêle et blanc. Mais est-ce qu'on peut le couper avec un couteau de ta dague? Oui, tu peux la couper. Est-ce que je peux mais la... en dessous, elle est au-dessus d'un trou, d'un trou, d'une mare de fangeuse qui où aboutissent les ruisseaux qui viennent se confondre dans le chemin. Est-ce que on peut l'attraper après avoir coupé le... Oui, elle est toute frêle, toute petite. Elle fait 1m10, 1m30, mais la pas fond, plus. Et elle est suspendue 1 mètre au-dessus du sol, guère plus. Bah, est-ce que là, actuellement, par exemple, je peux essayer de l'attraper d'abord et puis de couper la corde? En te mettant sur la pointe des pieds, tu atteindras la corde au-dessus de sa tête. Du coup, tu vois que la corde passe comme ça et elle tourne autour de sa tête et elle vient... Elle la maintient vers le haut, en fait. Elle maintient sa tête vers le haut et elle est à moitié étranglée par la corde, comme s'il y avait un... Et la corde fait un nœud, mais tu ne sais pas si c'est un nœud coulant... Donc ça veut dire que si je la coupe, ça peut la tuer? Non, ça la libérera totalement, mais on l'a vraiment... Non, là en l'occurrence, c'est juste elle a été bloquée dans cette position, et là, voilà. Si elle bouge, c'est de l'ordre du miracle. Tout à fait, c'est ça. Parce que sans intervention extérieure. C'est pas une corde grossière, et donc, déjà, qu'elle soit encore en train de fredonner comme ça est surprenant. Elle a déjà une bonne endurance. C'est ça. Du coup, je me place à proximité pour pouvoir rattraper la jeune fille. Pour l'aider. Oui. Même du coup, je moi, lance. Moi, je me colle à Pélo. Et puis, on est en peur. Je suis aidé, donc j'ai un peu de plus, c'est ça. Tu coupes la corde qui résiste un peu, c'est de la corde de bonne qualité, c'est fait pour l'escalade, la varap, l'alpinisme, ce genre de choses. T'as beau avoir une belle lame bien aiguisée, d'ailleurs, tu peux me lancer un dé, là je veux bien que tu me lances. 9. Sous sens. C'est bon, ça marche. Ça marche. À partir du moment où tu fais 8, ça marche forcément pour sens. En l'occurrence, c'est la même dague que celle photographiée qui a servi à tuer de plusieurs coups de couteau la jeune fille, ce que tu avais. Tu avais pas tilté quand tu l'avais vu les coupures jaunies sur internet la veille. Après, la corde. Moi, j'avais trouvé où la dague? C'était dans la casemate? Oui. La corde se rompt et Sven. Tu vois la jeune fille choir, d'un bras tu la retiens, tandis que Pelleux la retient complètement. Imperturbable, elle poursuit alors que maintenant la corde ne tire plus sur sa gorge. Elle poursuit son chant. Sous la glace, allons encore danser dans cette froide soirée. Les yeux fixés sur l'œil. Merci. Je t'en prie, tu sais qui t'a mis là? Je te regarde intensément. Elle était inattentive comme absente. Tu l'as dans tes bras et tu ne sens plus son poids. C'était pas un poids massif quand elle est tombée sur tes bras, c'était le poids d'une toute jeune fille. Une jeune fille d'une dizaine d'années, tout au plus. Tu t'attendais à ployer sous choc et en fait, tu l'as retenue sans peine. Et là, tu te rends compte qu'elle flotte. Elle flotte, tu ne retiens rien. Elle flotte à quelques centimètres de toi. Tu vois Chacha le dos de ton ami de dos, le brave Pelle, et tu vois quelque chose luire autour de la jeune fille dans sa houppelande. Elle se tourne donc vers vous, tourne son visage tout pâle. Là, tu vois ses yeux sombres, noirs, s'agrandir, ses pupilles se dilater, devenir tout noir, d'un noir intense, un noir de charbon, semble grossir et exemplisse tout ton horizon. Que faites-vous ? Je recule un peu, vu qu'elle flotte comme une grande. Hein. Tu te recules. Elle se redresse. Elle se trouve dans la même position qu'auparavant, mais les bras légèrement écartés. Et là, tu vois que se forment des espèces d'arcs d'électricité statique entre ses mains, entre ses doigts, qui court jusqu'au sol, qui semble une décharge vient courir comme l'éclair et vient frapper le sol. Dégageant une odeur d'ozone, une odeur d'orage, il y a des larmes qui couvrent tout son visage, maculé de boue, de terre, et là les larmes prennent une teinte sanglante, rougeâtre, roussâtre, au même titre que la terre. Elle remonte les bras pour former un arc. Là, vous voyez l'électricité qui s'accumule, les éclairs qui s'accumulent autour de ses mains. Si on fuyait, dis-je en reculant. Surtout qu'elle a couru plus qu'elle fait. Celui qui était censé couper la corde. Pardon ? Il commande que le meurtrier va peut-être se rendre compte qu'elle a été libérée. Moi, je suis collé à Pelle et s'il court, je cours. Là, je recule prudemment, puis je recule de plus en plus vite. Et tu t'enfuis en courant ? Moi aussi, je le suis. Pas en courant, mais je recule en marchant tout en observant la scène, mais reculant progressivement et plus vite que sa progression. Que fais-tu, Sven ? Je recule aussi. Alors, enfin, elle reste suspendue l'espace d'un instant. J'ai dit qu'elle faisait... Et là, il y a une décharge qui est projetée vers toi. Tu peux te reculer plus rapidement. Tu me dis ce que tu fais. Je me recule plus rapidement, mais je suis pas convaincu que ça paye. Bah moi je passe devant Sven pour éviter que ce soit lui et plutôt... Non, si. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Ok. Mais en fait tu peux pas. T'as pas le temps. Tu lances deux fois les dés. C'est sous quoi? C'est un dé de conflit, donc c'est forfaitairement 2 dés. Et si t'as plus de 5 en force, tu peux rajouter un troisième. T'as un plus 1, pardon. D'accord. Donc, tu as au total 8, 9, plus 1. 10, ok. Un des 4. Okay. 2. Donc tu perds un point de résistance, tu reçois une décharge qui te... Comme lorsque on prend la bourre en mettant en contact deux points électriques, tout ton corps est parcouru de douleur, un râle t'échappe, mais tu peux choisir de quitter la clairière au plus vite en rebroussant le chemin. Du coup, on lui enjoint le pas. Hein. Moi aussi, enfin, vous précédiez, vous aviez dit que... Oui, non, mais le voyant accélérer, on accélère à notre tour. D'accord, vous tournez les talons directement. Oui, là, pour le coup... Tu le prends au passage ou tu fuis directement? Je le prends au passage. Hein. D'accord, donc là, tu vas me faire un jet sous force. Non, c'est inférieur. Ça vaut 10 ou 0? Ça vaut 10, hein? Ça vaut 10. Yes! Est-ce que t'es prêt à rouler comme une pierre? Et tu prends un bras-le-corps, tentant de le soulever, tu prends sur ton pied d'appui et tu patines sur le sol gelé et tu t'écroules sur lui. Tu lances un dé, deux. Quatre. Un dé, deux. D'accord, donc les paires, j'imagine que ça vaut deux, et les impaires, un. Voilà. Hein. Donc, tu perds deux points de résistance. Tu chutes sur le sol, glacé, avec tout le poids de pelleux. Heureusement, c'est un geek, il est tout maigre. Il est grand et maigre. C'est la seule bonne nouvelle. Tu mords pas la poussière, mais la glace et la boue. Et... t'as une odeur de sang qui te remonte, qui reflue en toi. Je peux tenter de me le relever, de l'aider à se relever. Tu te relèves, tu l'aides à se relever. Je fais désolé et je reprends le... Et tu vois la petite fille qui jette sur ton bras et qui tente de te mordre. Je peux tenter de la... Lâche-moi. Tu la repousses, oui. Ou tu cherches à protéger ton bras et à te maintenir. Plus protéger mon bras. D'accord. Agilité, du coup. 2d10. En agi, en force. Non, c'est une valeur de conflit, donc c'est 2d10. 8. Plus 6. 5, si t'as 5, au moins en force. Et j'ai 5. Donc voilà. Ça fait 11 au total. Donc j'ai 8, 6, 5, et du coup c'est 5 et 8 qui sont comptés, c'est ça? Là t'as fait quoi comme résultat? 8 et 6, et j'ai 5 en force. Ok, ça fait donc 15 comme résultat. Ah, tu me demandes tout additionné, ok. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il s'est redressé, tu vois que la je créature... Je prends le briquet et je lui brûle un peu le pied. Tu lui brûles la Southland? T'essaies de faire cramer Southland? Ouais. Tu portes T'as tes gants? Vas-y. Allez, hop. On va dire que... Ah, il faut que tu maintiennes la flamme, voilà. Donc là, t'as 3 reprises avant d'arriver à ce que... Quelle arnaque. Mais c'est bon, je sais pas... Je... Donc il est en train de... Voilà. Toi, qu'est-ce que tu fais après l'avoir évité? Je commence à reculer en embarquant l'eau. T'as entendu ses dents claquer dans le vide? Ouais, du coup... Mais tu l'as entendu vraiment très fort et tu as senti une odeur de charogne venir ouais, jusqu'à tes narines, ça te soulève le cœur. Je recule et je tente d'embarquer l'autre. Tu choisis, tu recules ou tu le vois qui est derrière la créature. Je recule en le tirant du bras, je peux pas. Mais dans ce cas-là, tu te rapproches de la créature, c'est au choix. Bah tant pis. Elle cherche à te... Ah, mais si elle cherche à me croquer, je recule davantage. Je m'occuperai de Xavier après. Enfin, Xavier. De Chacha. Chacha. D'accord. Donc, À nouveau 2d10. Sous force agit. 2d10 conflit. Plus 1. Et c'est le résultat, la somme. 2, 6, 7. Bon. C'est pour ma pomme. Non, t'as fait 2, puis. 4. 6. Ouais, donc 7, ok. Et donc, tu lances un des deux. Donc impair 1, impair 2. 2. Donc tu perds autant de points de résistance. Et tu vas lancer un D6, s'il te plaît. 4. Ok. Elle te mord profondément dans l'omoplate alors que tu t'éloignais, t'essayais de la maintenir à distance. Elle flotte maintenant tout contre toi, elle a ses deux mains griffues posées sur tes épaules, elle t'enfonce dans le sol, elle pèse de tout son poids, celui que tu n'avais pas mesuré lorsque tu l'as récupéré. Chutant depuis la corde. Sven, que fais-tu? Quoi? Que fais-tu? Ben, je continue de fuir. Enfin, toi, tu t'en vas en courant, tu fuis la scène, tu t'éloignes, ok? Tu entends simplement le piaillement de la créature qui surmonte et des grognements qui disparaissent bientôt dans le bruit de tes pas qui martèlent le sol gelé. Attends, tu sens une odeur de cramé, hein, parce que j'ai pris mon briquet, j'ai brûlé. Que fais-tu là maintenant pour te débarrasser d'elle, Pello? Je tente de... Est-ce que tu te saisis de la dague que t'as confiée? Non, je tente de... La repousser. De la repousser de toutes tes forces, l'arracher à ton épaule et la repousser. Oui. 2d10 plus. 1. 3, donc 4, 5. Ok. 4. D4. D6. 2. 2. Ok. J'aime bien les deux. Tu perds à nouveau 2 points de résistance. Elle te mord à nouveau profondément. À la naissance de l'épaule, elle s'accroche à toi. Ça y est, il y a tes gants qui commencent à fumer. T'as enflammé en partie tes gants de ski, mais sa houppelande a pris feu. Tu vois la flamme qui grandit, qui lèche sa cape, qui monte comme ça en un grand... et qui l'englobe quasi tout entière, elle se met à hurler de façon suraiguë, elle lâche Et moi, je suis méga dans la trouille et je cours vers mon ami. Vers Pelle. Et vous vous éloignez en courant. C'est pas moi. Vous entendez piailler la créature dans une odeur de viande grillée, de cochon grillé atroce qui monte jusqu'à vous. Vous l'entendez pleurer très fort comme si elle était juste à côté de vous. Étrange. Et vous arrivez... tu es le premier à arriver, Sven, tu es hors d'haleine, tu vas cracher tes poumons, t'es pas habitué... à piquer un 100 mètres dans la forêt du Norland gelé. Tu poses ta main sur un arbre et tu aperçois une silhouette juste devant toi, adossée à un arbre au-delà de celui sur lequel tu t'es adossé. Elle est placée, la silhouette de côté. Il y a... un pare-brise qui repose contre elle. Une espèce de couverture de survie qui est posée sur la silhouette qui est dans la pénombre, dans l'ombre de l'arbre, dans l'obscurité du bois. Et elle bouge pas, la silhouette. Oui. Mais je m'approche d'elle. Tu t'approches et tu sens une odeur familière, c'est Véronica. Et elle est morte ? Elle se tourne vers toi, elle a un teint blafard, presque aussi pâle que celui de la créature. Ah, ah, Sam, t'es là ? Et moi, je pars en courant. Vous arrivez, mais nous, on débarque. Vous arrivez, elle est là, elle repousse le pare-brise. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres ? Il y a son bras gauche qui pend brisé. Qu'est-ce qui s'est passé avec les deux autres ? Je sais pas, ils ont disparu. Et vous comptiez faire quoi ? Ma voiture, faut trouver ma voiture. On l'a trouvée. Faut aller à la voiture, faut s'en aller. Allez, passez, attaché, je l'ai attaché, c'est bon maintenant. Quoi ? On l'a détaché. Oh ! Faut s'en aller vite, vite ! Faut pas rester ici une minute de plus. Courez ! Elle crue, elle crame. De quoi, la voiture ? Non, la dame, la vieille. Il a fait cramer la petite fille. Elle reviendra. Reviendra. Il faut l'attacher. Il faut absolument l'attacher. Il reviendra où ? Sa voix est part dans des aigus. Si on l'attache pas, elle se libérera de la mort et elle reviendra nous tourmenter. Moi, je fais un câlin à ma sœur. Elle reviendra où ? Où que nous soyons, elle nous retrouvera. Et d'un pas résolu, elle revient sur vos pas. Moi, je décidée, avec un bras qui... Moi, je l'ai dans la tenant. On peut. J'observe la scène hébétée. La créature se tient flottante sous l'arbre, toute frissonnante, et tu vois Véronica s'approcher et lancer des mots dans une langue oubliée. Des mots qui sonnent, qui résonnent dans le froid, dans la glace du bois. Elle va détacher la corde de l'arbre, la laisse retomber, puis la relance de son bras valide, la fait passer par-dessus la branche. Toujours en disant les mots, elle s'approche de la créature qui est toujours frissonnante, fait passer la partie du nœud coulant autour de son cou, serre, puis lui entoure les bras. La créature gémit. Pourquoi t'as envie de me tuer alors ? Je ne veux pas rester toute seule, je veux sortir du bois ! Pourquoi tenter de me tuer en ce cas ? Elle ne connaît que la faim, elle est morte de faim ici, on l'a laissée mourir pendant la grande famine. C'est un esprit malin, il faut l'empêcher de nuire. Le seul moyen c'est de la ceinturer et de l'abandonner ici à nouveau. Si quelqu'un revient là et la libère à nouveau, alors cette personne sera poursuivie par cet ours qui pleure. Une fois qu'elle a ceinturé la créature, allez, il faut partir. Guidez-moi jusqu'à la voiture. Qu'est-ce que tu comptais faire avec les trois autres Comptais trouver ces esprits et m'assurer qu'ils ne nuiraient à personne. J'étais pas sûr qu'ils existent vraiment. Il y a des choses bizarres qui se passent en ce moment. Pourquoi être avec ces... Vous avez entendu parler de ce qui se passait en Russie, là ? C'est... Oui, on a vu ton historique, on a vu tes conversations. Elle t'interrompt aussitôt, et elle parle dans une longue diatribe sur les risques de changement inéluctable que connaîtrait notre monde. Elle parle sans arrêt. Il dit, Véronica ? Oui, Chacha ? Y a Pélo qui m'a installé à l'ouvrage. Je pourrais pas conduire. Ah, il est gentil, ce Pélo. Je pourrais pas conduire. Sven, tu pourras conduire ? Mmh. Oh. Tiens, elle te tend les clés. Elle sort de sa poche, de sa main valide. Quelle idée de partir avec Totenkopf. Ah, mais je pensais qu'il pourrait être utile. En fait, ils sont partis je ne sais où dans le bois. J'ai perdu leurs traces. Et en revenant vers la voiture, j'ai percuté l'ours gris. Je l'ai rencontré, celle que je cherchais. Tu appuies machinalement sur le transpondeur. Les lumières clignotent. Les portes se libèrent. Elle est toute pâle, toute blême. Vous avez la certitude que là, son bras démi et l'exposition au froid, il faut rapidement aller jusqu'à un hôpital. Quand je suis dans la voiture, je retire mon anorak et je vous passe. Tu ouvres la portière de la voiture. Ce grand... C'est un pick-up. C'est pas un 4x4. C'est un pick-up dernier cri. Un pick-up avec une batterie... La vie illimitée, c'est ce qu'ils vendent dans la pub. Tu l'as vu plein de fois, la pub. Toyota. Et après... C'est une voiture géniale. T'avais dit que c'était une voiture du Japon. Elle vient du Kanto. Comme les Pokémon. C'est toi qui avais incité ta sœur à acheter ce modèle-là. En plus, j'ai dit qu'il y avait un... Tu saisis la poignée. T'as retiré ton gant tout cramé. Et quand tu saisis la poignée, tu vois ce pick-up. Ce pick-up avec le grand plateau. Et qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme arrière ? Des Pokémon. Des Pokémon ? Il n'y a pas une grande malle noire ? Une grande caisse ? Si, dedans, et dedans, il y a mes cartes Pokémon. Bah quoi ? Il y a peut-être des cartes Pokémon, mais quand tu mets la main sur la serrure, sur la portière, tu vois quelqu'un assis au volant. Je dis, qui est là ? Mais tu le connais ? Ouais, c'est Sven. C'est le petit monsieur. Quoi ? Le petit monsieur... Le copain de Véronica. Le petit monsieur qui vous a récupéré sur la route, sur la voie des choux. Oui. Quand vous avez fui le monastère avec les espiacistes.